الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا إخوة، je pense que vous êtes déjà au courant de ce qui se trame sur la sphère de la da'wa salafia. Comme réfutation de pas mal de frères à l'encontre de Hamid de Comprends-Tondine. Réfutation tout à fait légitime, scientifique et correcte. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا لما يقومون به من العمل. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك. Cet homme de Comprends-Tondine, j'avais déjà parlé sur lui il y a très longtemps. J'avais été dur à son encontre parce que depuis le début, cet homme-là, j'avais déjà vu en lui des symptômes de le non-suivi de la voie des salafs. Vous savez, vous avez plein de gens qui émergent comme ça, qui sortent de nulle part, dans la darwa, qui se donnent un petit parcours scientifique. J'ai étudié là-bas, quelques parcelles comme ça. Et puis d'un seul coup, tu vois les gens émerveillés par leur travail. D'accord ? Soit c'est un qui étudie en Égypte, soit c'est un qui étudie à Riyad, un qui étudie à Al-Médina, un qui étudie par-ci, par-là. Mais concrètement, étrangement, on ne voit jamais de frères salafis qui les connaissent ou qui les recommandent ou qui encouragent. Donc déjà, interrogez-vous. Et surtout, interrogez-vous encore plus au sujet de ces gens qui viennent et qui sont tout le temps à l'affût de nouveaux procédés pour attirer l'auditoire ou attirer les visionnaires. Quand je dis visionnaires, je me trompe de mots, je veux dire les internautes. Voilà. Parce que visionnaire, c'est quelqu'un qui voit loin. Je voulais dire quelqu'un qui visionne, mais en fait, c'est pas le mot qui est approprié. Et vous voyez bien qu'ils ont tout le temps des procédés dont vous ne voyez jamais les savants de la sunna faire. Ils cherchent l'originalité pour attirer des gens vers eux. Soit par des mises en scène, soit par des micro-trottoirs, soit par des montages vidéo avec un petit fond sonore derrière, ou soit alors ils se filment tout le temps avec un nouveau paysage derrière pour rendre la chose plus attractive. Un jour c'est dans la montagne, un jour c'est devant la bibliothèque, un jour c'est par-ci, un jour c'est par-là, histoire de rendre la chose plus attrayante. Mais concrètement, le contenu ilmi, il n'est pas là. D'accord ? Il n'est pas là. Donc dès que vous voyez des gens avoir des procédés comme ça, que vous n'êtes pas habitué à voir les ulémas faire, méfiez-vous, d'emblée. Car les ulémas sont ceux qui ont le ilm, ceux qui ont la raïra, la darwa, la vraie jalousie pour la darwa. Et si tu ne les vois pas s'engager dans ce genre de choses, alors ce n'est pas pour rien. D'accord ? La darwa, c'est pas un... Comment dirais-je ? C'est pas un moyen commercial qu'il faut trouver toujours un nouveau buzz ou une nouvelle manière de la faire. La darwa, elle ne change pas les tawqifiya. D'accord ? Ça, c'est le procédé des influenceurs, des gens des réseaux. Tout le temps est à la page. Trouver le truc qui buzz. Le truc qui attire les gens. Dans la darwa, ça ne marche pas comme ça. La darwa que tu attires les gens, tu ne les attires pas. Tu as dit le haq, qu'al Allah, qu'al Rasul, qu'al Salaf, ou qu'al Zalika, t'ashrah, ou yakfi. À la base, la darwa, elle est dans les masajid et dans les cercles de science et ce qui s'ensuit. Internet, c'est qu'un support comme ça. Ils en ont fait leur trajectoire principale. De base, ça reste moubah. C'est des wasail qui sont moubaha de prendre internet. Mais t'en as, c'est leur principal support. C'est, voilà, YouTube, Insta, les réseaux, ce qui s'ensuit. Et bien sûr, ce genre de réseaux, ils ont des codes. Et tu vois ces gens rentrer dans les codes. En fait, ces gens-là, ce sont des chasseurs de vues, des chasseurs d'abonnés. D'accord ? Ce sont des chasseurs de vues, des chasseurs d'abonnés. Donc, vous voyez ce genre de choses, méfiez-vous de ce genre de personnes. Donc là, le Hamid, Comprends-Tondine, a laissé apparaître ce qu'il enfouait en lui depuis un bon moment, sûrement. D'accord ? Rien de surprenant pour les gens qui l'avaient déjà vu arriver depuis longtemps. Et comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui l'ont réfuté. Il y a une réfutation que j'ai entendue aujourd'hui et qui m'a... Une bonne réfutation d'un frère qui s'appelle Yanis Abu Imran, si je ne me trompe pas. Apparemment, c'est quelqu'un qui a étudié le Médina, je ne sais pas s'il y a encore ou... Ouais. Sa réfutation, elle était correcte. Barakallahu fiha. Mais il y a un détail dedans qui m'a comme on disait, turlupiné, qui attire mon attention. C'est lorsqu'il réfute des choubouhettes dont se sert Hamid et d'autres parmi les gens de l'Inhiraf sur l'inkar al-hakim, le fait de réprimander le hakim. D'accord ? Car vous savez qu'il y a des ulama qui ont peut-être été amenés à faire des ijtihadat et de tomber dans ce sujet-là. Shamouk bin lui-même, rahimahullah ta'ala, était de cet avis-là. Son avis n'était pas correct, mais bon. Et vous savez que les gens de Hawa, ils aiment bien prendre des ulama de la sunna pour justifier leurs actes, pour dire, bah voilà, cher Foulan, il a fait pareil, pourquoi vous dites rien sur lui, ainsi de suite. Et c'est ça le problème. Pourquoi vous ne dites rien sur lui? Des fois, des choses ont été dites, et des fois, n'ont pas été. Et entre parmi les gens sur qui les choses n'ont pas été dites, justement, et que le frère Abu Imran a cité, et là-dessus, je le ferai la remarque à lui ou à d'autres, hein, c'est une remarque générale, mais comme celui qui l'a évoqué, celui qu'on cite, qui n'a pas une position, on va dire, sahiha. Il a cité Sheikh Raslan. Car Sheikh Raslan, dans une khutbah à lui, cela fut un temps, il avait critiqué les gouverneurs de Turquie et de Qatar. Ce n'est pas un seul hakim qui l'a critiqué, c'est deux. Et Turquie, wallo, on sait que la Turquie, voilà, point de vue sunna, ce n'est pas une référence, mais ça, c'est un pays d'islam. Et le Qatar, c'est un pays d'islam. Donc les gouverneurs sont des gouverneurs des musulmans. Bien sûr, le hakim, en fonction de sa nistikama et de sa taqwa et de sa tamasak biddin, on l'aime encore plus. Ou on l'aime encore moins, ça dépend. Al-hasab dini. Al-muhim, en tout cas, le hakim muslim, il a son haq. Le hakim muslim, il a son haq. Tant qu'il est muslim, qu'il est hakim. Et savoir que Raslan, sur le minbar, c'est pas seulement il l'a critiqué, c'est il les a insultés. C'était des insultes. D'ailleurs, il a dit ahmak à... au hakim turki, ce qui veut dire stupide, idiot, d'accord, et autres. Et cela lui a été reproché par certaines personnes, car beaucoup sont restés silencieux, justement, c'est là où je voulais en venir. D'accord. Et le frère, Abu Imran, wafakahullahu ta'ala, dit que le chien n'a plus recommencé. On dit, c'est bien qu'il n'ait plus recommencé, tant mieux. Mais à la base, ce n'est pas ne plus recommencer qu'il ne... C'est comme Kamakola Ta'ala, illa lazina tabu wa aslahu wa bayyinu. Sauf ceux qui se sont repentis, qui ont rectifié et qui ont clarifié. Il n'a pas dit illa lazina tahu. Arrêter dans une erreur, c'est une partie de la correction de l'erreur. Mais ça ne suffit pas quand tu as fait une erreur sur le minbar pendant un Jumu'ah devant tout le monde et que tu as fait une erreur en public, alors tu rectifies en public. Donc le frère, en fait, on va dire, il a reconnu l'erreur, là-dessus c'est, voilà, mais il a minimisé l'erreur. D'accord ? Il a dit, le chien, il n'a pas recommencé. Il a dit également que les machères qu'il a rencontrées ont tous condamné cette erreur de Charles Raslan. Mais cette condamnation, elle est où ? En fait, moi, j'ai pas eu de connaissance qu'une seule personne ait parlé en public pour montrer l'erreur de Charles Raslan devant tout le monde. Parce que là, les gens vont dire, on a fait nasiha, mais là, l'erreur, elle a été faite devant tout le monde. Sur un minbar. Donc il faut faire un inkar comme l'erreur a été faite. Ça c'est marouf dans la darwa salafia. Que ce soit un cher salafi ou pas. Et les ulamas sont toujours réfutés. D'accord ? Dans des erreurs qui ont été faites en public, même entre ulamas et salafis, il y a eu des roudoudes. D'accord ? Il y a toujours eu. Mais étrangement, il y a des gens, on dirait qu'ils ont un privilège. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle de ça là. Je vous parle de ça. Par rapport à quoi ? Parce qu'il y a une forme de favoritisme. Il y a des ulama, quand ils font une erreur, étrangement, elle est vite faite, mise de côté, un peu minimisée. Et il y en a d'autres, elle est gonflée. Vous savez déjà, entre autres, par exemple, Cheikh Yahya al-Hajouli, il n'a pas le droit à ce traitement. Des choses qu'il n'a pas dites, on lui a imputé, des choses qu'il a dites et qui sont explicables, interprétables, elles n'ont pas été pardonnées. Par contre, il y en a d'autres, ils font des choses qui sont claires. Mukhalafat et Osul et Minaj Salafi, personne ne dit rien. C'est quand même bizarre. Je vous dis que Cheikh Yahya aurait fait cette erreur-là, là, sur le minbar. Wallah, vous aurez vu le lendemain une pluie de roudoutes tomber sur lui de mise en garde. Khalidji, Khalidji, Khalidji. Mais étrangement, non. Cheikh Raslan, personne n'a rien dit. Et comme moi, des gens comme moi, aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de ça, on va pas s'attarder, c'est juste un tambi. On va dire, je parle sur les savants. Vous voyez ? Parce que vous en avez un autre, par exemple, qui s'appelle. Comment il s'appelle Bilal Abou Hafsa. On m'a partagé une parole de lui. Il a dit, si tu vois quelqu'un, à peu près des paroles, hein, qui parle sur Cheikh Raslan ou Cheikh Abdelrazak Badr, fuis de lui comme tu fuirais d'un lion. Vous voyez que ce genre de paroles-là, qu'est-ce qu'on fait? On crée des mutaassibin. On crée des fanatiques. D'accord? On crée des fanatiques. Cheikh Abdelrazak Badr, c'est un savant salafi. Mais il a des erreurs à son compte. Et les gens savent très bien de quoi on parle. Il est parti s'asseoir chez des Hizbi, Yahetouros, des Hizbi contre qui des ulamas se sont cassés la voix à mettre en garde. Cheikh Al-Albani, Cheikh Ben Bez, Cheikh Rabi' Al-Matrali, Cheikh Moukbil. Combien ont mis en garde contre Abdelrahman Abdelkhaliq et sa Jam'iyya? Lui, il est parti là-bas. D'accord? Et les gens excusent, c'est un ijtihad. Il n'y a pas d'ijtihad dans la mukharafat de Adillah. Il n'y a pas d'ijtihad. L'ijtihad n'est pas accepté dans toute situation. Attention, je ne suis pas en train de te dire que c'est un moubtadir, Cheikh Abdelrazak Badr. Il a fait une erreur. Mukharafa li usul minaj salafi. Mais étrangement, personne n'en parle. D'accord? Et quand les gens, comme moi ou d'autres, l'évoquent, c'est haddadiya directement. Donc c'est quoi ce manque d'insaf? C'est quoi ce manque d'équité? Je vous dis, il y a des gens, il y a un favoritisme qui se fait. Il y a des ulamas, quand ils font des erreurs. Oui, il a fait une erreur, mais on balaye, c'est mis sous la table. Vite fait, on n'en parle pas trop. Il y en a d'autres. On leur invente des erreurs. Pourquoi? Parce que c'est la mode. Ou parce que c'est... Voilà, t'en as, c'est des ulama, c'est la tendance de les suivre. T'en as d'autres, c'est la tendance de les critiquer. D'accord? Et je vous le dis aujourd'hui, alors qu'il est, Cheikh Abdelrazak Badr, c'est un savant salafi. Pour pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Mais qu'on le veuille ou non, il s'est trompé dans cette mas'alala. Et dans d'autres. Et surtout dans le fait de faire un minhaj, de ne pas parler, de ne pas mettre en garde contre les gens de la bid'a, en les nommant. D'accord? Cheikh Abdelrazak Badr ne parle sur personne. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens l'aiment. Beaucoup de gens l'aiment parce qu'il ne parle sur personne. Donc c'est facile d'être aimé quand tu ne parles sur personne. Mais quand il y en a qui parlent sur des gens, on leur tombe dessus. Mais c'est ça le djihad dans la da'wa. Il faut bayen. Kama qala ta'ala, wa kazalika nufassilu al-ayat litastabil sabil al-mujrimin. C'est de cette façon que nous clarifions les versets afin que la voie des criminels soit clarifiée. Ces gens-là là, dont je vous parle, ces prédicateurs, ils savent mettre en garde contre le petit prédicateur, un tel, il les nomme. Mais pourquoi, lorsque ce sont des savants qui ont un poids et qui ont une masse oulia, ne le font pas, on passe la crème, on dit rien. Donc ça veut dire que ce savant, il a tort, dans ce point-là, oui ou non? Donc lorsqu'on le dit, pourquoi est-ce qu'on nous fait passer pour ce qu'on n'est pas? Roulou, haddadier, je ne sais quoi. Alors qu'à l'époque des salafs, ça ne serait jamais passé, ça. Un savant qui sait sur les moubtadir alors qu'il peut parler, ou qui va aller chez eux, ça n'aurait jamais été accepté, ça. Mais étrangement, quand c'est certains, c'est silence, quand c'est d'autres, c'est... on a droit à toute la... C'est du tapage. Et je vous le dis bien, aujourd'hui, ces gens-là, là, ils sont injustes. Et voilà pourquoi on ne se mélange pas avec eux. Ce sont des frères salafis ou quoi, mais ils sont injustes dans leur jugement. Ils sont pas équitables. Il y a du favoritisme dans ce qu'ils font. Et ça prouve que c'est pas une mahabba fillah, azawajal. C'est pas un difar du haq, ça. Ça, c'est des masalih, c'est du copinage. Cheikh un tel, il peut, mais cheikh un tel, il peut pas. Cheikh un tel, s'il le fait, c'est grave. Si un tel, faut rien dire. C'est quoi ce misaine? Ya yuwallazina amanu kunu qawamina bil qist shuhada lillah. Oh, vous qui avez cru, soyez des témoins justes et équitables. Walaw ala anfusikum. Ne sera-ce que contre vous ou les proches. Wa idha qultum fa'dilu walaw kana dha qurba. Si jamais vous parlez, soyez juste, ne serait-ce qu'une personne qui soit proche. Donc voilà pourquoi nous, il y a plein de gens, des fois on dit ouais, pourquoi tu sais pas cher un tel dans tes audios ou tu reviens pas? Parce qu'il y a des machères. Je suis désolé de le dire. Ils sont pas équitables dans leur jugement. Et quand on a des erreurs, eux, ils les font, personne ne dit rien. Et d'autres, ils font des erreurs, on leur tombe dessus, comme la misère sur le pauvre monde. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein, vous savez. Hein. Car les gens, ils ont un tarzim des savants de la Saoudie à un niveau qui est incroyable. Tout ce qui vient, enfin, pas tout, on va pas non plus voilà, extrapoler, mais beaucoup de ce qui vient de l'Arabie Saoudite, on ne peut rien dire. Un chier saoudien, tu ne peux rien dire, il a forcément raison. Et ça, c'était l'une des causes qui aimait la fitna au Yémen, hein. Parce que comme c'était le petit Hajjouli, le petit du Yémen, face aux autres grands Saoudiens, c'est pas passé. Mais les gens n'ont pas analysé la situation. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent pas accepter. Hein? Par exemple, un cheikh auquel il s'accroche, qu'il cite souvent, comment il s'appelle? Le Misri, Abu Abdel A'la. C'est Khalid. Il s'appelle Khalid. Cet homme-là a fait un audio dans lequel il accuse Cheikh Yahya, il rapporte en disant de Cheikh Rabir, que Cheikh Yahya a volé l'argent du front lors du djihad, et qu'il est devenu milliardaire, qui s'est acheté un palais. Ya subhanallah. Bila haya. sans aucun once de pudeur de dire cela dans un audio. Et, mais ça, il peut, lui, comme lui, c'est un chier, on va dire, starifié par ces gens-là, il peut le dire, il n'y a pas de problème. Il peut mentir en public sur un homme, même sur un kafir, tu n'as pas le droit de le faire. Mais quand on se défend, on critique les savants. Ya Allahu Akbar. Vous voyez un peu le jugement chez ces gens-là ? Aujourd'hui, je vais vous dire ça, ils vont dire, demain, ils vont dire, oui, Khalil Sahaddadi, pourquoi il parle sur les savants ? Je dis quoi comme chose qui soit un mensonge sur les savants ? Par contre, quand vos savants le font, non, on peut rien dire, on doit se laisser. Et ça a été ça la principale cause dans la fitna du Yémen, c'est que Shariah s'est défendu de gens qui l'ont attaqué en premier. Dans la fitna, on le dit à chaque fois, c'est lui qui a été attaqué en premier. D'accord ? C'est Shirobel qui est rentré en premier. C'est Abdullah Boukhali qui a commencé en premier. C'est Cheikh Mohamed Ibn Hadi qui a commencé en premier. Et c'est la Adani qui a commencé en premier. Dans cette fitna-là, Shariah n'a fait que se défendre contre des gens qui ont été injustes envers lui. Et au final, comme je vous l'expliquais à chaque fois, ces gens qui l'ont critiqué Shah Yahya, ces gens-là également, on les ont critiqués à la fin. Qui s'est excusé ? Qui a fait un tauba ? Personne. Personne. C'est quoi Et après, ça vous parle de salafia, mise en garde, nasiha, jarh tardil. Mais on se moque de qui, là, à ce moment-là ? Vous savez, le jarh tardil, c'est une science, elle demande de la taqwa. Il y en a beaucoup ici mises dedans, ils n'ont pas de taqwa, ils n'ont pas d'insaf. Ils font des crises, ils font des mises en garde qui sont réelles. Elles sont réelles, pour de vrai. Mais ils les font quand ça les arrange, sur qui ça les arrange. Je vais donner un autre exemple, par exemple. Toujours Cheikh Raslan, Mathalan. D'accord ? Cheikh Raslan, c'est un homme qu'aujourd'hui, beaucoup considèrent comme étant un grand savant. Demain, vous avez un prédicateur qui vient, et les gens disent, t'as étudié où ? Chez qui ? C'est normal, c'est un droit qu'ils ont. Il demande à cette personne où il a étudié, auprès de quel savant il a étudié. Si jamais c'est pas le cas, allez, on le met de côté. Je vous demande aujourd'hui, là, cher Hassan, chez quel savant il a étudié. Mettez-nous au courant, s'il vous plaît. Parce qu'on ne devient pas un savant sans avoir étudié chez les savants. Ça n'existe pas, ça. Donc dites-nous, parmi les savants connus ou quoi, parce que cher Hassan, il est arrivé. À la base, personne ne connaissait. Il est arrivé, il a été monté, d'accord ? Dites-nous son parcours ilmi, chez qui il a étudié. Dites-nous. Et il était vivant de l'époque des grands imams. Et il est arabophone, c'est un musulman. C'est pas quelqu'un qui a pris la langue arabe plus tard comme certains d'entre nous et qui sont arrivés après. C'est quelqu'un, il est né arabophone. C'est quelqu'un qui a un certain âge. Il était vivant, il a été contemporain à l'époque des grands imams. Donc auprès de qui parmi eux il a étudié ? Et si on me demande pourquoi, bah, il était où à cette époque-là ? Où est-ce qu'il étudiait ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Et par la suite, on dit qu'il a connu la salafia plus tard, parce qu'il prétend avoir toujours été salafi. Chose qui a été remise en compte également. D'accord ? Et... par la suite, chez quel savant il a étudié ? Donc on demande à ces gens-là qui n'arrêtent pas de gonfler les gens, qui font ça c'est du roulou, c'est ça le roulou là. Parce que le roulou c'est également, c'est itra en nas, c'est vanter les gens de ce qui n'est pas en eux. Ces gens-là c'est eux qui ont du roulou. D'accord, que nous on a du roulou, c'est eux qui ont du roulou dans les éloges. El Hadjouli, on l'a jamais élevé plus haut que son niveau. Mais ces gens-là, comment ils parlent de leur ulama, c'est incroyable. Et comment ils se testent sur leurs erreurs, c'est incroyable. Ça c'est le roulou ça. Vous voyez ? Mais quand tu viens pour dénoncer cela, t'es un haddadi, d'après eux. Et vous savez un autre fait que j'ai oublié de vous dire, qui montre ce deux poids, deux mesures. Mais Saled, vous avez, comme je l'expliquais, cher Abdelazak al-Badr, qui fait ce qu'il fait, pourtant, personne ne parle. Étrangement. Alors que ce qu'il a fait, c'est connu chez auprès des ulama de la Sunna, qui ont amené un hadji de distinction, ça a été reproché à d'autres. Vous savez que lorsque Shah Yahya al-Hadjouli est sorti de Medj, il est parti en Arabie Saoudite. Vous savez ce qui s'est passé ? Quand il est arrivé à Medina, il y a Abul Hassan al-Musri ou al-Halabi, j'ai oublié c'est lequel des deux. Je crois que c'est Abul Hassan ou al-Halabi, j'ai oublié. L'un des deux était à l'arrivée du Cheikh. Lorsque le Cheikh est sorti de sa voiture, cette personne-là est venue vers lui, lui a serré la main, lui a fait ses condoléances pour la mort de son fils. Et il y avait plein de monde autour de le Cheikh, il n'a pas distingué qui vient pas et voilà. C'est tout. Cheikh Mohamed ibn Hadi, wafakahullah ta'ala, tout de suite a sorti une parole dans laquelle il a dit, regardez, Al-Hadjouli, il a fini avec Al-Halabi, et avec Abul Hassan. Regardez, hein, juste pour ça, il a eu le droit à une critique. Du fait que cet homme-là s'est approché de Cheikh Yahya, sans que Cheikh n'est pas allé vers lui, Cheikh ne l'a même pas vu au début. L'autre est venu le voir, lui a serré la main, lui a fait ses condoléances. Et c'est un moment où, en sortant des mails, il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de Cheikh Yahya, avec ce qu'il avait vécu. Tout de suite, on lui est tombé dessus. Alors que Cheikh a dit, mais j'ai rien à voir avec lui, moi. Il est venu me voir, il m'a fait les condoléances. J'ai fait ma vie. À savoir que Cheikh Yahya a dit à Rod, à Abul Hassan et à Jarod al-Halabi, en plus. Mais regardez, hein, c'était pour dire le but, c'était vraiment taché, c'était vraiment s'en prendre à Al-Hajjouri, quoi qu'il ait fait. Aucune excuse. Et là, vous avez Cheikh Abdelazak al-Badr, qui va à Hayat Turaf, qui participe à leur Dawra, et ce qui s'ensuit, et là, étrangement, personne ne dit rien. À ma connaissance, il y a quelque chose qui a été dit en public. Hein, je parle pas des assises privées, je sais qu'il y a des gens qui parlent, mais en public, une nasiha, un bayin pour que les gens sachent l'erreur, il n'y a personne là, étrangement. Donc je vous dis ça parce que souvent on me pose la question, pourquoi tu cites pas un tel, un tel, un tel. Il y a plein de machères, pour moi ce sont des salafis, mais je ne les cite pas parce que pour moi ils sont injustes, ils ont contribué à alimenter cette fitna. Ils n'ont pas cherché à comprendre c'était quoi la chose pour conseiller avec équité. Ils ont défendu, pris parti automatiquement. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun ne s'est excusé. Donc désolé, je ne peux pas envoyer les gens vers des gens comme ça parce que pour moi, c'est un manque d'équité. Maintenant, est-ce que je l'ai rendu novateur ? Non. Non. Mais pourquoi je ne me réfère pas à eux et je ne mets pas leur fatwa ou quoi ou quoi ? D'accord ? Parce que j'estime que ces gens-là n'ont pas été justes. Et que je mets quiconque au défi de venir dire le contraire aujourd'hui. Qui que ce soit. Par rapport à ça. Là, maintenant, on sait comment ça va se passer la réponse. Hein. Ça va être que de la mise en garde qui sera une mise en garde qui sera juste superficielle. Il y a pas de, on rentre pas en profondeur. On vient pas à la base de la chose. C'est pas chirurgical, comme on dit. C'est juste, c'est facile. Ouais, c'est Khalil, c'est un suiveur de Hajjouli, c'est Haddadi. C'est tout. Mais en tant que Haddadi, je peux pas dire des choses qui sont vraies. Et ce que je dis qui est vrai, comment tu y réponds ? Tu peux pas y répondre. Pourquoi ? Parce que sur ce point-là, je vais avoir raison. Quand je dis j'ai raison, c'est pas que j'ai la science innée en moi, c'est que c'est la vérité. Il y a des gens, voilà, il y a des awam, on leur explique ça, ils comprennent, c'est évident pour eux. Et c'est même pas des gens qui se disent étudiants en ilm, c'est évident. Ils le voient, ils disent, mais c'est injuste ça. Mais des gens qui se disent tout label ilm ou quoi, qui appellent à la darwa, ils n'arrivent pas à réaliser la chose. Donc cette division qui est créée entre nous, l'une des causes, c'est celle-ci. Le manque d'équité. On ne demande pas aux gens de faire nos éloges, de nous partager ou quoi. Non, on dit juste, dites la vérité. Et comportez-vous avec équité. Maintenant, t'aimes pas comment je parle, t'aimes pas qui je suis, bah, c'est ton problème. Mais ne me faites pas passer pour qui nous ne sommes pas. Ne jouez pas avec le recul des gens. Car vous voyez bien, à chaque fois, la vérité, elle apparaît. Il y a toujours une fardiha qui apparaît un jour ou un autre. Toujours. Comme celle-ci que j'ai entendue aujourd'hui. Cheikh Raslan, ouais, mais il a pas recommencé. Et alors, est-ce qu'il a fait une toba de ce qu'il a fait ? D'ailleurs, il y a un audio de Cheikh Fawzan qui est interrogé sur ce que Raslan, bien sûr, il n'a pas été nommé. Mais il a bien dit, parce qu'ils ont bien aimé faire ça avec Cheikh Yahya al-Hajjouri. Poser une question générale. Ouais, Fawzan, il a dit ça. Taïeb, bah maintenant, on va faire pareil avec Cheikh Raslan. Il est interrogé quelqu'un qui dit que. Ouais, parce que j'ai oublié de préciser, Cheikh Raslan, il s'est justifié en disant quoi ? Que c'est pas ses gouverneurs de son pays, voilà, vous pouvez parler sur eux. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait toba. C'est-à-dire qu'il voit que ce qu'il a fait, c'était légitime. D'accord ? Il y a un audio de Cheikh Fawzan, il a interrogé là-dessus. Il a dit, celui qui dit ça, c'est un Khaledji. Et pourtant, est-ce que nous, on est parti faire comme eux, dire, ouais, Rassam, c'est un Khaledji ? Non. Parce qu'on sait très bien que Cheikh Fawzan, il a fait une kalem qui est âme générale. Et que peut-être, si on fait un tafsir ou quoi, il va expliquer. Eux, non, avec le Hajjouri, ils l'ont pris direct. Une personne a dit ça, c'est quoi le jugement ? Ça, c'est Ridda, c'est l'apostasie. Tout de suite, le Hajjouri, l'apostasie. Al-Hajjouri, ceci, cela. Al-Hajjouri, ceci, cela. Mais qui est-ce qui a apporté une question nominative avec le nom du chien, est-ce qu'il a dit en particulier ? Personne ne l'a fait. Et les vidéos YouTube, ça tourne. Hein. Et bien là, si on rentre dans votre manège à vous, et bien Raslan, selon Cheikh Fawzan, c'est Khaledji. Mais nous, on espère avoir plus d'insof que vous. On sait que la question, elle est générale. Mais le point pour en revenir, c'est qu'il n'a pas fait Tawbah. Et que personne d'entre vous n'a fait d'inkar à l'ani de ce qu'il a fait, de l'erreur qu'il a faite. Et résultat aujourd'hui, le Moubtadi'a, ils s'en servent. Comme Hamid de Comprendre-Tandine. Parce que si Cheikh Al-Azhar fait une tauba, il n'aura pas pu s'en servir de la parole. Vous comprenez ça ? Et donc, avec ce genre de comportement, justement, les Hizbi, ils ont des on va dire, des pseudo-arguments pour leur chebouahette. Donc en fait, c'est de notre faute, nous, quand on fait ce genre de favoritisme et qu'on fait pas une carte d'une erreur et qu'on la minimise, le Hizbi va te la prendre, il va te la jeter au visage. Et là, tu pourras rien dire devant lui. De base, il a tort dans son manhaj. Mais dans cette masse-là, il va te mettre dans l'embarras. Tu n'auras pas de réponse crédible devant lui. Ou sinon, on va dire, oui, le chéri, il a eu tort. Pourquoi personne ne l'a dit depuis toutes ces années-là ? Pourquoi il n'y a pas une ansiha qui a été faite pour montrer aux gens qu'il a eu tort ? T'as des gens, ils le défendent toujours pour ça. Ils trouvent des excuses, hein, au chéri. Et quand des gens comme moi ou d'autres vont parler, Haddadi. ennemi de la salafia. Mubtadir, je ne sais quoi. La ilaha illallah. Al-Mohim, c'était un tambi que je voulais faire parce que j'entendais ça aujourd'hui. Et ça m'a... Voilà quoi. Je me suis dit, je vais réagir. Et des incohérences comme ça, je pourrais en dire d'autres. Mais bon, je vais pas rajouter cela. Des incohérences chez beaucoup de gens pour en trouver d'autres hein, dans leur ménage. Tu vois, comme je vous le dis, je ne rends pas bon à dire à ces frères-là. Mais je vous dis qu'il y a un manque d'équité et du favoritisme. Et il y a un tarassoub qui se fait. Parce que beaucoup aujourd'hui auront du mal à avouer en public devant tout le monde qu'ils ont eu tort sur le hajjouli sur pas mal de choses. Ils n'arriveront pas à le dire. Tant qu'ils n'auront pas un meneur qui l'aura dit, beaucoup n'auront pas la force de le dire. Et je sais qu'il y en a au fond d'eux qui doutent. Ils sont perplexes, ils ont vu qu'il y a trop de faits. Mais bon, si jamais demain je dis que Hadjouli, en fait, il avait raison, on va mettre en garde contre moi, on va dire que je suis Haddadi, on va, je vais perdre mes privilèges. Et je vais perdre tous mes abonnés. Et je vais perdre. Tu vas perdre ce que tu penses, mais auprès d'Allah Zogel, tu auras gagné l'honneur d'avoir proclamé une vérité. Et n'en déplaise aux gens. Ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cet accord d'oum. Ce fait d'aller de l'avant, c'est pas donné à tout le monde. Donc on se cache derrière, les savants ils ont dit, les savants ils ont dit. Et si les savants ils avaient eu tort? Si ces savants ils avaient eu tort? Et des faits dans le fil historique ont prouvé qu'ils ont eu tort, c'est pas mal de choses. Mais comme encore le Ta'ala, illa lazina tabu wa aslahu wa bayyinu. C'est-à-dire qu'Allah accepte la tauba de celui qui a fait tauba, qui a réparé son erreur, qui a clarifié. Ça, des années qu'on subit les injustices de ce genre de personnes-là, qui, au minimum qui se taisent. S'ils critiquent pas, ils cautionnent les mensonges qui se disent, et qui se taisent. Et on a déjà fait des taubas, moi le premier, sur les choses qu'on a dites qui n'étaient pas vraies, on l'a reconnu, qu'ils soient au courant ou pas. Mais de chez eux, on ne le voit pas, ça. Les comportements qu'on a eus, je le répète encore aujourd'hui, on a eu des paroles abusives, des paroles qui n'étaient pas convenables de la part de gens qui appellent, qui font la darwa, ce genre de choses, oui. On l'a écrit, on l'a dit, on l'a répété, s'il faut le redire, on le redira encore. Mais de l'autre côté, on n'a rien vu. On voit rien de l'autre côté. Mais bon. Hada kama qala ta'ala fa tuklihu an-nas hatta yakunu mu'minin, va tu contraindre les gens et c'est ce qu'ils deviennent des musulmans. Fazakir innama anta muzakkir lista alayhi musaytir. Rappelle, tu ne fais que rappeler, tu ne peux être sur eux une personne qui contraint. Je peux pas forcer les gens à faire ce qu'ils veulent pas faire. Mais on leur rappelle. Et on espère que ça ouvrirait les yeux à certaines personnes parmi ceux qui écoutent. Après celui qui est malade du cœur, il est malade du cœur. Quoi que je dise, il sera pas d'accord parce que je suis un suiveur de l'hajjouli d'après lui. Mais on vous le dit une fois de plus, on répète. Il fouille dans les audios ou quoi, mukhalafa manhajia, il n'en trouve aucune. La seule chose qu'ils disent lorsqu'on parle des frères comme Mounir, comme Okwa, c'est un suiveur de l'hajjouli. D'accord. Et en dehors de ça, dans ces douloureux, donne-moi des mukhalafa shari'a, des. Il n'y en a pas. Ou si peut-être qu'ils vont dire on a du roulou parce qu'on rend haram des choses qu'ils aiment faire, le taswir ou d'autres choses comme ça. Mais même ça, c'est. On peut débattre de ce genre de sujet, il n'y a pas de roulou là-dedans. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de roulou. Des ulama, ils ont dit des paroles pires que moi parmi les ulama que tu cites sur le taswir. Il y a des ulama qui voient même que tu ne fais même pas de taswir d'une créature sans la tête. Il y en a qui voient même que tu ne fais pas de taswir du shams et du kamar, de la lune et du soleil, alors que c'est des créatures qui n'ont pas d'âme. Et des savants affilés à la salafia. Vous allez dire quoi sur eux? Mais ce qui vient du Yémen qui a affilé le hajjouli, il n'y a pas de rahma, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'insaf. Pour beaucoup d'entre eux. Je ne dis pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux. Taïb, c'était une parenthèse qu'on diffusera, Inch'Allah, à part. Taïb, donc là, on va prendre un hadith aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, qui est le 105e hadith de ce kitab, qui est le 5e de ce fasl. Et qui est Ikram al-Zaif, honorer l'invité. Parmi les mu'amalat entre les mu'minin, Ikram al-Zaif. Yaqul an Abi Shuraih al-Adawi, radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qal, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyukrim zaifah ja'izatuhu yawmun wa layla, wa ziyafatu salastu ayyam, fima ba'da thalika fa wa sadaqah. ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. متفق عليه. Donc le hadith, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Et il lui accorde un jour et une nuit. Et l'invitation, on va dire l'hospitalité, c'est 3 jours. Et ce qui est en dehors de cela, des 3 jours, c'est une sadaqa, c'est une aumône. C'est-à-dire s'il rajoute à héberger la personne chez lui ou quoi, plus de 3 jours, c'est une aumône. Et qu'il n'est pas permis à cette personne-là de demeurer chez son hôte au-delà de ce délai, afin de ne pas mettre dans l'embarras, si ce n'est avec sa permission. Et que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien, ou alors qu'il se taise. Donc maintenant, le rawi, c'est Khuwaylid ibn Amr al-Jaza'i al-Ka'bi al-Adawi. Et il a été dit que son nom c'est Abdurrahman ibn Amr. Et il a été dit que son nom c'est Hani. Et il a été dit que son nom c'est Ka'b. Différentes riwayat. Il a participé à la bataille de Fath, de Mecca, la conquête de Mecca, en étant musulman. D'accord ? Al-Fath, il était musulman à ce moment-là. C'est-à-dire qu'avant cela, il ne devait pas l'être. Et à ce moment-là, il portait même l'étendard des Bani Ka'b. Après, l'auteur n'a pas dit grand-chose sur lui, mais apparemment, il aurait rapporté 20 de hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces 20 hadiths qu'il a rapportés, 3 sont présents dans les recueils de Bukhari et de Muslim. Taï. Donc maintenant, pour revenir au hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il honore son voisin. « Hadha wa min kamal al-iman. »« Wa laysa min mutlaq al-iman. » Ça veut dire que celui qui agit de la sorte, c'est de la foi complète, parfaite, et non pas de la base de la foi. C'est-à-dire ne pas croire que celui qui n'honore pas son voisin, n'honore pas son invité à foi, ne croit pas en Allah au jour dernier. Non, là c'est cela indique qu'il croit en Allah au jour dernier d'une foi parfaite, comme beaucoup de hadiths. Il a dit « Jaizatuhu yomun wa layla ». C'est-à-dire que pendant un jour et une nuit, il doit se consacrer à lui, à son invité. D'accord ? Et l'honorer autant que possible. Et cette hospitalité, elle dure 3 jours. C'est-à-dire le premier jour, tu es investi dans ton invité. Tu le nourris du mieux possible. Tu le tiens compagnie, ainsi de suite. Et le reste des jours, parmi les 3 jours qui restent, tu le nourris selon ton habitude à toi. C'est-à-dire que c'est déjà moins. Tu te consacres moins à lui sans pour autant le délaisser, mais ce n'est pas comme le premier jour et la première nuit. D'accord ? Et au-delà de ce délai, alors cet invité ne peut s'imposer chez toi sans ta permission. C'est-à-dire qu'il se doit de partir de base. Parce que cet invité n'est pas forcément ton ami. D'accord ? Ce n'est pas forcément ton ami. C'est une personne qui est venue, qui a l'abandon. C'est un musulman dans un lieu où il n'y a pas d'autres musulmans que toi ou quoi. Et ainsi de suite. C'est un haq qu'il a, le musulman. C'est un haq qu'il a, le musulman. Donc, après aujourd'hui, on est une époque, il y a plein de choses. Il y a des hôtels, il y a des situations pour que la personne puisse être hébergée. Ou, voilà. Mais tu viens dans un lieu où il n'y a rien. Une contrée de musulmans où il n'y a rien. Ça, c'est un fard qui fait. Il faut que forcément quelqu'un t'accueille chez lui. Ou alors, ce n'est pas chez lui qui te mette quelque part. Qui s'occupe de toi. Ava. Donc ce quelqu'un peut être un inconnu pour toi. Et il y a des gens, ce sont tes proches, ils viennent, tu les accueilles, ça peut être... voilà, ils restent chez toi autant que tu veux. Peut-être toi-même tu veux qu'ils restent chez toi, si jamais ils s'en vont, t'es malheureux, car tu aimes leur compagnie, ça fait longtemps que tu l'as pas vu, et ce qui s'ensuit. Mais le wajib dans l'hospitalité, c'est 3 jours. Au-delà, ça revient à sadaqa. D'accord ? C'est une sadaqa. Et comme je l'expliquais dans le hadith, il n'est pas permis à l'invité de rester plus de 3 jours chez la personne sans sa permission. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que tu ne connais pas, c'est pas, tu viens, comme on dit, tu squattes chez lui. Il se peut que tu me mettes mal à l'aise. Ça se trouve, il n'a pas les moyens. Il a fait un effort pour toi, pour te rendre ton hack, mais après, peut-être qu'il n'a pas les moyens. Des fois, tu as des maisons, elles ne sont pas aménagées pour recevoir un invité. Il y a la femme, il y a les enfants, il y a la famille. Voilà, ça peut être dérangeant. Maintenant, il y a des gens, tu les connais, tu sais que ils vont dire Anta Beiti Beitok. Baby Maftouhlak. Ma maison, c'est ta maison. Reste chez toi autant que tu veux. Là, il t'a permis d'assister chez lui. Ça veut pas dire qu'il faut abuser non plus. Des fois, tu as des gens qui disent ça par politesse. Mais au fond, bon, voilà, au bout d'un moment, peut-être que c'est lourd pour lui. Faut pas forcément prendre au mot. Par exemple, au Yémen, souvent, ils avaient pour. À Ada, quand tu passes devant eux, ils sont en train de manger. Quand tu es en train de manger, tu leur racontes, tu dis T'as fadal indi, el rada indi. Viens chez moi, viens manger chez moi. Alors, il n'a pas forcément fait à manger ni rien. Mais c'est une formule de politesse. Tu vois. Donc, toi, dis pas oui, j'arrive. Tu sais très bien qu'il n'a rien fait pour toi. Il te dit ça parce qu'il t'a vu, il veut être poli. Mais c'est pas tu viens et tu fais ton. La personne qui abuse. D'accord. Ils sont en train de manger, tu passes devant eux. Ils disent Tfadal ma'ana. Ils sont comme ça, les gens là-bas. Ils sont généreux, ils sont voilà. Toi, t'as déjà mangé, va pas prendre de leur plat, laisse-les manger entre eux. Ils sont quatre sur un petit plat, laisse-les manger, arrête. Il t'a dit ça par politesse, tu viens manger, il va pas te dire non. Mais c'est bon, t'es rassasié, t'as mangé, ou tu rentres chez toi, t'as mangé, que t'attends, laisse-les manger entre eux. Mais ils vont te le dire quand même. Et donc t'as des gens qui vont te dire, ma maison est la tienne, peut-être par politesse. Donc te dis pas, c'est bon, c'est ça, ma maison, c'est sa maison, c'est la mienne, là, j'reste ici et je m'installe. Non, c'est une formule de politesse. D'accord. Donc, toute chose à juste mesure. Et il redit à la fin que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. Alors là, l'auteur, le Sharih, il dit Walqul al-maqal afwan thalathatu aqsam, que les paroles que l'on prononce rentrent dans trois catégories: khayr, wa shar, wa laghu. Il dit les paroles de bien, les paroles de mal et les paroles, on va dire, futiles. Là, dans le hadith, ce qui est voulu par là, c'est paroles de bien. C'est-à-dire, ce sont les paroles qui amènent à un bien. Des fois, ça peut être une parole obligatoire à dire. Des fois, c'est une parole recommandée à dire. Et des fois, une parole permise, mais qui apporte un bien. Ton adol sont des mauvaises paroles. Comme riba, namima, al-kazib, le mensonge. Et ainsi de suite. Et t'as d'autres, c'est la roue, ce sont les paroles qui sont permises de base, qui n'apportent ni un bien, et qui ne causent pas de mal non plus. Mais c'est des paroles comme ça. C'est-à-dire, si tu le dis pas, ça n'y a rien. Et si jamais tu le dis, ça n'apporte rien de plus. Donc là, ce la roue-là, cette futilité-là, l'éviter est meilleur. Mais après, on se connaît. Souvent, quand on est entre frères, entre amis, on se connaît bien. Il y a beaucoup de la roue, faut dire la vérité. Ça blague beaucoup, ça plaisante beaucoup, ça parle beaucoup. Et voilà. C'est pour ça qu'en réalité, moins on parle et plus on se préserve. Mais on va toujours dans l'excès, malheureusement. Et justement, l'auteur est dit, et souvent le larou, ces paroles futiles, souvent glissent vers le parole de char, parole mauvaise. Souvent, ça amène à ça. C'est pour ça qu'en réalité, se contenter fait partie de la foi parfaite, que lorsque tu parles, tu ne dis que du bien. Après, c'est un niveau, ce n'est pas tout le monde qui l'atteint. D'accord ? Ce n'est pas tout le monde qui l'atteint. Et des fois, parler, même si tu n'as rien à dire, peut être correct pour mettre une ambiance, mettre les gens à l'aise. J'ai une bonne parole parce que tu vois que les gens sont un petit peu en froid, stressés ou quoi. Tu n'as rien de spécial à dire, mais tu dis si je parle pas, il n'y aura rien qui va se passer. Donc on va dire quelque chose. D'accord ? Entre frères, ou entre conjoints, ou dans la famille, ce qui s'ensuit. Et justement, pour revenir, comme je disais au début, à ces chasseurs de vues, ces prédicateurs qui font la darwa sur les réseaux, ben c'est des gens, malheureusement, ce hadith, il n'applique pas. Man kana yuminu billahi wal yawm al-akhir, falyakul khayran aw yasmut. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qui dit du bien ou qui se taise. Des fois, ils n'ont rien à dire, mais il faut parler. Pourquoi ? Pour être productif. C'est-à-dire, il va sortir une vidéo par rapport au quota. Pas parce qu'il a un truc à dire. Il n'a rien à dire, mais il dit ouais, j'ai fait une vidéo hier, il faut que je fasse une vidéo tous les 3 jours, tous les 4 jours, il faut que je sois régulier. Pour rester à la page. En fait, il n'a rien à te dire. Mais il va se caler, il va trouver quelque chose, un sujet original à sortir pour faire une vidéo. On dit, tu serais-tu, ça aurait été meilleur pour toi. T'as une vidéo, elle ne servait à rien, ta vidéo. Déjà, un, tu t'es filmé. Et deux, ce que tu dis, tu dis une chose qui ne sert à rien. Et pire encore, des fois, des vidéos, elles sont vraiment... Par exemple, une fois, tu avais justement ce même Hamid, d'accord, une vidéo que j'ai vue de lui, il parle qu'il a rencontré le garde du corps de Mohamed Ali. On dit alors. Et c'est qui Mohamed Ali ? Pour être honoré de voir son garde du corps. C'est qui ? C'était un boxeur, donc déjà haram. En plus, qui plus est, au début, c'était un black muslim. Secte kafira de base. D'accord ? Et en plus, à la fin, c'est ce qu'on a pu savoir, c'est Tassawouf. Soufi, avec les machères Soufia. Donc, excuse-moi, cet homme-là, islamiquement parlant, n'a rien d'exemplaire. Cet homme-là est devenu grand par la boxe. Les gens ont aimé Mohamed Ali, que ce soit les koufars ou les musulmans, pour la boxe. Et la boxe en islam, c'est haram. Et donc, et pareil, donc, c'est pareil, les gens, ils adulent des gens, on se demande pourquoi. J'ai fait un rappel également par rapport à ça, par rapport à Malik Shabazz, anciennement qui était Malcolm X. D'accord ? Cet homme-là, Malcolm X, n'avait été aimé par les gens que pour son côté militant, pas pour son islam. Pour preuve, bah les koufars, ils l'ont aimé, ils le respectent jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Pas pour l'islam. Et des gens plus grands en islam sont critiqués par les koufars. Je l'avais déjà parlé. Vous avez déjà vu des koufars qui font l'éloge de Cheikh Al-Albani ? De Cheikh Al-Othaymi, de Cheikh Mokbil ? Eux, c'était des vrais savants de la sunna. Malik Shabazz, c'était pas un savant. C'était un militant. Prédicateur, mais militant. Et aujourd'hui, je mets quiconque au défi de dire c'était quoi sa Aqida sur laquelle il est mort. Il est mort sur une Tawba de la secte Black Muslim, certes, mais sur quoi il est mort ? Sur quel manhaj il est mort ? On ne sait pas. On reste sur un bon soupçon de lui. Mais personne ne pourra dire qui il était concrètement. Car ça n'a pas été clarifié. Il a été tué. Rahimallahu ta'ala. Je ne dis pas ça pour le dénigrer. Je dis ça pour les gens qui mettent en avant des gens, pas pour leur islam. Pas pour leur islam. Car concrètement, c'était pour leur islam, il y a des gens qui méritent plus que Malcolm X. D'accord ? Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, même des gens qui ne sont pas musulmans aiment Malcolm X. Pourquoi ? Parce qu'il a défendu la cause des Noirs. Donc c'est quoi là ? Asabiya. C'est juste parce qu'il a, aidé, il a voulu aider la cause des Noirs. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas musulmans qui l'aiment. Donc c'est pas pour Allah, c'est pas pour l'islam, c'est pour une cause externe. Et ça, au point de vue religieux, ça n'a pas de valeur. D'accord ? C'est comme aujourd'hui des footballeurs qui se disent musulmans. Pourquoi les gens ils les aiment ? Pour le football, c'est pas pour l'islam. Benzema, pourquoi les gens ils l'aiment ? C'est pour le football, c'est pas pour l'islam. D'accord ? Donc faut arrêter de se mentir à soi-même et de s'inventer des références qui ne le sont pas. Pareil, vous avez Cédric Dombé. Pourquoi les gens ils l'aiment ? Même c'est un salafi. Mais c'est un fasik, Cédric Dombé. C'est un homme, c'est un fasik. Qu'on le veuille ou non. Il est peut-être sur un arkada salafia, sur un minhaj, mais cet homme-là n'a pas été cité en référence. Il fait du MMA. C'est quoi le MMA ? Cet homme-là est dans la musique. Quand je dis dans la musique, il n'en fait pas, mais dans ses combats, il y a de la musique. Il y a des femmes. D'accord ? Et autres parmi les péchés qu'il peut faire. Donc, en quoi ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont de valeureux pour... Il rentre en islam, tant mieux pour lui, mais nous, ça nous apporte quoi pour nous ? Cet homme-là salit l'image de l'islam, parce qu'il passe pour un hypocrite aux yeux des gens. Tu viens, tu fais un rappel sur l'islam, et après demain, tu vas sur un octogone, et tu casses la tête de quelqu'un. Et tu le ridiculises, en plus. Tu te vantes, t'es orgueilleux, tu es vantard. Dans le Coran, elle a dit « Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura » que Allah n'aime pas les gens qui sont hautains et orgueilleux. Et quand tu viens, tu fais tes... comme ils appellent ça là, quand ils font leur... clash talk ou je sais plus quoi là, avant un combat, c'est quoi qu'ils font ? Ils se dénigrent, ils se méprisent, ils s'insultent. Shalahan, c'est interdit ça. Que ce soit même avec un kafir, tu n'as pas le droit de le faire. Donc quelle fierté vous avez à défendre ce genre de personnes là ? Et les affiliés à l'islam ? Les musulmans, tant mieux pour lui. Mais nous, il n'apporte pas de bien pour nous. Donc choisissez les bonnes références. Vous ne faites pas duper comme ça et vous éparpiller. Un tel, ça y est, il a dit, il récite sur la Maryam, il dit, il fait la shahada, il explique la ilaha illallah. D'accord, mais ces actes derrière en public, c'est quoi ? C'est que des péchés. Et ils s'en vantent. Donc arrêtez, tu vois. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min halawat al iman, ou من وجد ثلاث أشياء ثلاثة من وجدهن وجد حلاوة الإيمان. Il y a trois choses. Celui qui les trouve aura goûté le savoir de la foi. Il a dit parmi elles أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. Lorsque tu aimes une personne, tu ne l'aimes que pour Allah. Donc Bilal Alikoum, quand t'aimes un Cédric Dombé, un Benzema ou autre parmi les gens qu'on a cités, ou un Mohamed Ali ou ce qui s'ensuit, c'est pourquoi? C'est pour Allah Azzawajal. Personne ne va te croire. Ces gens-là ne sont pas Moustakimoun. Et les gens, on les aime pour l'instikama. D'accord? Mais là, comme je dis, on est une époque, c'est trop de l'émotion. C'est que de l'émotion. C'est que de l'émotion. C'est pas de l'humain, c'est de l'émotion. C'est une forme de fierté. Ouais, un tel, c'est un musulman. Et alors, il est musulman, tant mieux pour lui. Mais il apporte quoi à l'islam concrètement? Rien. Il salit l'image des musulmans. Il salit l'image des musulmans en public. Donc apprenez, c'est quoi l'amour en Allah et la haine en Allah. Et vous allez voir, hein, ce que j'ai dit au début là, je vais me faire des ennemis encore. Et pourtant, je n'ai rien dit de mal. J'ai juste des choses qui dérangent des gens. Ça va les déranger, ce que j'ai dit. Tayeb, on prend les fawaïd du hadith. Ah, attendez, j'ai perdu la page. Donc il dit fawaïd du hadith. Wujub ikram al-dhaif bima yu'ad ikraman min talak al-wajh wa tib al-kalam wa it'am at-ta'am. Donc il est obligatoire d'honorer l'invité avec un visage épanoui, c'est-à-dire que tu es devant ton invité, tu n'es pas en train de faire la tête. Tu souris, tu as un visage agréable. C'est pas il sent qu'il te dérange ou que c'est lourd pour toi. D'accord? Et c'est nécessaire de faire cela. D'avoir des bonnes paroles, de lui parler correctement, de le mettre à l'aise, et ainsi de suite. Même présenter avec lui, hein. Mais dans le halal, sans mentir et sans exagérer. Et de le nourrir convenablement. Tu le nourris de ce dont tu nourris toi aussi. Le premier jour, tu peux même le nourrir mieux encore. Les autres jours, tu le nourris comme tu te nourris toi-même. Thaniyan, an ikram al-dhaif min alamat al-iman billah wal yawm al-akhir wa min tamam zalika wa min adab al-islam min adab al-islam wa khuluq an-nabiyyin wa as-salihin. Honorer l'invité est parmi les signes de la foi en Allah au jour dernier. Et que cela est plus parfait. Et parmi les comportements de l'islam et parmi les caractères des prophètes et des gens pieux. ثالثا انه لا يحل للضيف ان يقيم بعد الثلاثه او بعد الثلاث الا اذا طلب المضيف زياره اقامته او علم انه لا يكره اقامته. Qui n'est pas permis à l'invité de rester plus de 3 jours chez son hôte sauf si son hôte lui demande de rester ou alors qu'il sait que cela ne le dérange pas. C'est-à-dire qu'il le permet, quoi. رابعا الحث على حفظ اللسان فلا يتكلم المرء إلا إذا كان الكلام خيرا فإن ذلك أقوى لإيمانه وأحفظ لسانه وأهيب عند إخوانه. Et qu'il faut, cela, ce hadith incite à protéger sa langue, préserver sa langue. Et que la personne ne parle qu'en disant du bien. Car cela est plus fort pour sa foi et plus protecteur pour sa langue. Et cela est préférable auprès de ses frères. Et vous voyez ce que j'ai dit au début. Comme je vous l'expliquais, les gens vont dire que c'est un mal. Je considère cette parole-là comme étant un bien par laquelle je m'approche d'Allah Azzawajal. Je le dis car j'en ai la conviction et j'en ai pour la croyance. Et quand je le dis, j'espère qu'Allah me récompense pour ce que j'ai dit. Donc pour moi, c'est un khayr. Pour d'autres, ce que j'ai dit, ça va être un char. Et le khayr, le char, c'est pas selon nos goûts et nos avis. Mais selon la dilla. Donc pour prouver qu'une parole de quelqu'un elle est mauvaise, faut la démontrer avec les adilex qu'il a dit c'est mauvais. Sans quoi, le fait que ça te dérange, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est peut-être toi qui as un problème en toi. D'accord? On ne juge pas une parole mauvaise par rapport à ton ressenti à toi. Par exemple, demain, tu vas dire à un voleur, c'est un voleur, il ne va pas aimer. Il dit oui, mais tu n'aimes pas, mais c'est ce que j'ai dit, c'est un khayr, parce que je te montre que tu as fait un mal. Donc dénoncer le mal d'une personne, c'est un khayr. Même si ça le dérange. Même s'il n'aime pas ça. خامسا انه ينبغي للانسان ان يمسك عن الكلام الذي ليس فيه خير ولا شر ولانه مما لا لانه مما لا يعينه ولا اتني وقد ينجر ينجر الكلام المباح للحرام. Il a dit qu'il convient que la personne se retienne de dire des paroles qui ne contiennent pas de bien ni de mal. Là, il parle en fait des paroles, elle la roue, les paroles, on va dire, futiles. car cette parole-là ne l'apporte aucun bien, et que ce genre de paroles peuvent l'emmener justement à dire du mal par la suite. Non. طيب, ta hada lazi akhadna al-youm. Le prochain der sera dimanche également. Ce jour-ci, je suis désolé, c'est un peu aléatoire. Je ne sais pas les horaires, je ne peux pas les connaître à l'avance. Donc je vous l'ai dit, voilà. Mais prochainement, les durus seront après l'Isha, en général. C'est plus facile, en tout cas pour moi. Après, si ça vous dérange, vous, je m'en excuse, mais je n'ai pas trop le choix. Les faire plus tôt maintenant avant le Maghreb, pourquoi, ce serait trop difficile. Fana ktafi biyad al-kadr, fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.